Le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux. Rite et mélodie séduisant, partition musicale absorbe. Enchantillon sonore illumine un art d'une jeunesse en développement. La paresse paraît lorsque les albums sont soi-disant prêts. Je presse les faits car les noms jaillissants de cet art sont défaits. Chant et musicalité tranchant, son et rythmique attrayant. Chanson et décadence foudroyant, penchant d'infidélité désarmant. Les trinotes notre art ici s'assassine et désarçonne. Rien ne peut qui le menottera pour qu'il saisisse ses cartons. Média, distributeur, promoteur, manager. Mes chers compositeurs, dites-moi qui manie ce jeu. C'est la réforme, l'art se confond, le bijou est uniforme. Génération qui se consume par ce qu'elle ressort. Poète vaillonné par des sam carences désolées. Entre la vérité, des sciences et des cadences, invérité. Peu d'efforts, peu de réussite, voix des blagues qu'on suscite. Je signe et persiste pour dire qu'ici notre art n'a jamais existé. Le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux. On a grandi et passé du temps ensemble, elle et moi. Sa condition met son âme en cendre et mon cœur en émoi. Le rappeur à l'autre chat, ils en avaient couronné roi. Maintenant plus aucun de ses coups n'aurait jamais porté proie. Ok, j'ai pas de bol, t'es toujours ennemi, passé sur des papiers. Mais je me suis toujours battu, immergé par manque des années durant. J'ai laissé ma plume me guider, t'es d'une maladie que rap. J'ai perdu beaucoup à force de vouloir défendre mes idées. J'ai passé ma vie et mes jours et mes nuits sur des papiers. Même si j'étais dans des océans et la couche n'avait pas pied. Depuis 7 ans, je continue avec ardeur le combat, même si j'ai perdu du temps. Tant pis, j'assume car malgré tout, j'ai peur du temps. Il m'enrichit, il m'accompagne continuellement. Je perds, je gagne, mais la passion est la seule raison de l'investissement. Parti de trop loin pour me décourager, tout laisser. Le combat se perpétue, acharné, déterminé. Le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux, le talent c'est à laquelle hauteur. En dépit de ce que tu veux, producteur, compositeur. Bâton ici pour ce que tu veux.